Au sport, le 27 décembre. Hockey mineur, dans la Ligue Simple Lettre Offord de Saint-François, l'équipe Midget A des Sharks du Haut-Saint-François visite les frontaliers à Quaticook à 17 h.